pensée gagnée. Sans effort dispensé, ce serait de moi sonner sans rien semer. Voilà que pour moi, tu as tout donné à la croix. Pris tous mes péchés, je suis justifié, complètement pardonné. Sans toi, tu n'arriverais.